Le printemps est là, le soleil, les températures qui dépassent à nouveau les 15 degrés et les masques qui tombent. Les dernières mesures gouvernementales nous permettent de retrouver une vie presque normale, sans passe vaccinal ni masque presque partout. Et pourtant, les chiffres épidémiologiques, eux, remontent et ne sont pas du tout aussi bas que lors des dernières mesures d'allègement, mesures électoralistes à 3 semaines de la présidentielle ou conséquences d'une nouvelle dynamique épidémique. Ce sera notre débat du jour. Nous parlerons également de l'annulation de la mission ExoMars, conséquence de la guerre en Ukraine, de la carapace des tortues et de la tricherie des cellules tumorales. Fin du masque, ExoMars, cellules tumorales et carapaces de tortue, c'est le programme printanier qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner dans ses moindres recoins l'actualité scientifique, la crème de la crème du journalisme scientifique papier aujourd'hui, et avec le printemps, ils ont tous mis des marguerites dans leurs cheveux. C'est un régal. Bonjour Olivier Lascar. Heureusement qu'il n'y a pas l'image. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de cheveux, j'avais cru. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Je suis rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice de la rédaction 2 pour la science et celui qui a grimpé tous les échelons jusqu'à réussir à se forger une place à ce micro à la force de son intellect, c'est Mathieu Lefrançois. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Chef de rubrique physique du magazine Science et Vie Junior. Mais on commence par celle dont les mains desquament à force de gel hydroalcoolique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette information. Fort de son succès des vaccins à ARN messager contre le Covid-19, Moderna vient de lancer un nouvel essai clinique pour tester 3 vaccins à ARN messager contre le VIH. Et le premier participant vient de recevoir une dose pour cet essai clinique de phase 1. C'est le deuxième essai du genre lancé par le laboratoire depuis janvier. Alors selon le communiqué, il s'agit là de candidats vaccins préventifs. L'idée, c'est de bloquer dès le départ l'infection, que le système immunitaire puisse réagir si par malchance on est exposé au virus. L'essai devrait recruter environ 100 personnes séronégatives, de 18 à 55 ans. Il s'agit là d'abord d'évaluer l'innocuité et l'immunogénécité de ces vaccins. Et les résultats sont attendus pour 2023. Alors ici, un peu comme pour le SARS-CoV-2, Moderna utilise la technologie de l'ARN messager pour coder un trimère de protéines du VIH. Chantal Pichon est professeure des universités et directrice de l'équipe thérapie innovante et nanomédecine du Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. Il faut savoir que le VIH, on a beaucoup de mal à produire des vaccins, étant donné tout simplement la conformation des antigènes, les antigènes du coronavirus, sur le VIH. En fait, on a constaté que lorsqu'on utilise des particules virales, les parties de la protéine de surface, hein, qui normalement doit être utilisée pour bloquer la réponse immunitaire, eh bien, d'une part, c'est la partie antigénique qui est enfouie, et d'autre part, en fait, il y a beaucoup de mutations. Et là, grâce à cet ARN messager, eh bien, en fait, on fait en sorte d'utiliser des ARN qui, à la fois, va coder pour des particules, des trimères, en fait, de la partie antigénique, mais aussi qui est capable de cibler des cellules de l'infecté bien spécifiques qui sont en fait susceptibles de produire des anticorps neutralisants. Tous les papiers, les publications qui ont été faites sur les essais précliniques, vous voyez, avant d'aller chez l'homme, les résultats qui ont été publiés sont vraiment très positifs en fait. C'est très positif parce qu'effectivement, ils ont observé qu'on avait effectivement une très bonne immunisation. On avait également la production d'anticorps neutralisants. Donc encore une fois, hein, c'est les animaux modèles, donc il faut toujours valider chez l'homme en fait. C'est difficile jusqu'à présent parce qu'il fallait d'abord accumuler suffisamment de connaissances. Un déjà sur l'interaction du virus par rapport à nos cellules. Système immunitaire, de savoir effectivement quelles sont les parties qui sont enfouies, quelles sont les parties qu'il faut absolument cibler. Et je crois que nous sommes là maintenant à un stade où ces connaissances sont acquises, donc on peut développer différents types de systèmes. Et l'ARN messager par rapport au système protéique est très intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide et on a une plateforme. Puis après, on peut faire coder plusieurs molécules. En fait, il y a beaucoup de versatilité dans cette plateforme-là. Donc, c'est pour ça que Moderna, et je pense que les scientifiques font de l'espoir là-dessus, quoi. Et vous pouvez retrouver cette étude sur ces essais vaccinaux de Moderna contre le VIH, eh bien, comme toujours, directement sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Natacha, la NASA a annoncé la mort de l'astrophysicien Eugene Parker. Le pionnier de la physique solaire est mort mardi, à l'âge de 94 ans. Dans les années 50, à partir d'équations mathématiques, l'Américain théorisait le phénomène des vents solaires. En 1958, sa théorie est tout d'abord mal accueillie, puis elle est confirmée en 1962 avec les premières observations directes. En 1987, l'astrophysicien théorise également les nanoflares, des éruptions en surface de la couronne du Soleil. Et en 2018, il est le premier chercheur à voir décoller de son vivant une sonde spatiale à son nom, la sonde solaire de la NASA, Parker Solar Probe. Et comme tous les vendredis consacrés à l'actualité des sciences, nous mettons en avant une étude sortie des laboratoires français, une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics et qui décrit la découverte d'étranges nuages martiens. Et cette étude, c'est un bel exemple de science participative, ou comment faire participer les citoyens au progrès scientifique. Jean Lilenstein, directeur de recherche au CNRS et l'auteur principal de cette étude, a mis en place un réseau d'astronomes amateurs ou d'astrophotographes répartis sur toute la planète pour observer Mars depuis la Terre. Il y a quelques années, cet astrophysicien avait fait une prédiction. Il devrait y avoir sur Mars des aurores polaires bleues à 90 km d'altitude. Après de nombreuses heures d'observation, ils ont fait une découverte, alors non pas de ces aurores bleues, mais, autre exemple de sérendipité scientifique, ils ont fait la découverte d'un phénomène météorologique jamais observé sur Mars. En novembre 2020, on les a vus. On était super excités, ces deux astrophotographes français, Christophe Pellier et Emmanuel Baudouin, qui les ont vus depuis la France, et on était super excités. Et en regardant les photos de très très près, on a vu qu'elles produisaient des ombres, et les aurores, ça fait pas d'ombre. Et donc on s'est dit, c'est pas des aurores polaires, c'est autre chose. Donc, on se rend compte que c'est pas des aurores, elles n'ont pas bien les couleurs que j'avais prédites, et puis, mais elles sont à 92 km d'altitude, quoi. Et elles s'étendent sur 3000 km de long. Elles se produisent, elles se créent côté nuit, là où les satellites sont incapables de les voir, parce qu'il fait nuit. Et quand elles arrivent côté jour, à cause de la chaleur du soleil, ces bandes nuageuses-là se dissipent. Alors on se retourne vers un spécialiste français des nuages martiens, Mathieu Vincendon, et puis on a un autre astrophotographe, Marc Delcroix, qui fait des calculs. Et on se rend compte que ce sont des nuages de glace d'eau ou de glace de CO2, quoi. Et à des altitudes absolument folles, quoi. Vous imaginez des nuages à 90 km sur Terre, c'est dingue, quoi. Et ben, ça existe sur Mars. Et c'est super amusant de se dire qu'on peut les voir depuis la Terre et que les satellites ne peuvent pas les voir parce qu'ils sont pas équipés pour ça, quoi. L'autre chose qui m'a vraiment ému, c'est qu'il se trouve que sur Mars, il y a eu un champ magnétique très intense qui s'est éteint au bout d'un milliard d'années, mais là, ou dans le sol, il y a du fer, par exemple, le fer est resté aimanté. On appelle ça des anomalies magnétiques. Et ce nuage-là, eh ben, il se crée à côté de l'anomalie magnétique. Et ça peut pas être un hasard. Ça m'a ramené à moi mes premières amours, qui sont l'activité solaire et l'activité des étoiles et leur impact sur les planètes. Et je me suis rendu compte que vraisemblablement, ces nuages spécifiques-là, ils sont créés par le vent des étoiles qu'on appelle le vent stellaire ou le rayonnement cosmique. Et c'est le rayonnement cosmique qui rentre dans l'atmosphère de Mars, là où le champ magnétique est intense, qui heurte l'atmosphère, qui crée ce qu'on appelle des noyaux de nucléation sur lesquels la glace va pouvoir se déposer et créer des nuages. Donc c'est des nuages qui sont en plus assez poétiques parce qu'ils sont connectés au cosmos. En bref, Natacha, le reste de l'actualité scientifique est même en ultra bref. Cette semaine, l'Ukraine est devenue membre de l'Union énergétique européenne. Le pays vient d'être raccordé au réseau électrique européen. Cela devait avoir lieu en 2023, mais avec la guerre, une procédure d'urgence s'est enclenchée en seulement 3 semaines. Si jamais l'Ukraine venait à manquer d'électricité, cette synchronisation du réseau électrique lui permettra d'en importer. Le réseau moldave a également été connecté à la plaque européenne. Depuis hier, au centre spatial Kennedy, le puissant lanceur de la NASA, le SLS, est transféré sur son patin. plaisir, avec à son bord le vaisseau spatial Orion. Ce sont les pièces maîtresses de la mission Artemis qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune. Si tout se passe bien, le premier lancement de la fusée géante, de 30 étages de haut, est prévu en juin ou en juillet. Et enfin cette semaine, l'Australie fait face à une épidémie d'encéphalite japonaise. Ce virus, qui touche principalement les enfants, est transmis par les moustiques et ne concerne habituellement que les pays d'Asie. C'est la première fois que l'on le détecte en Australie. Mais le pays a été frappé récemment par d'impressionnantes inondations et des vagues de chaud qui ont favorisé la prolifération de moustiques. Cette épidémie est donc une conséquence du dérèglement climatique. Et on termine comme chaque semaine ce journal par notre rubrique de science improbable avec une étude parue dans la revue Royal Society Open Science. Une étude qui nous dit que nous avons tendance à gonfler notre confiance en nous pour certaines compétences, même très complexes. Oui, très complexes. Imaginez, vous êtes dans un petit avion quand soudain le pilote fait un AVC. Vous êtes le seul passager à bord. Êtes-vous sûr de pouvoir faire atterrir l'avion sans mourir? Alors cette question, c'est la question posée par une équipe néo-zélandaise à 780 participants pour une étude de psychologie sur les limites de l'excès de confiance en soi. Les participants devaient évaluer leur pourcentage de réussite et une partie d'entre eux avait regardé une vidéo d'un atterrissage. Il se trouve qu'après avoir regardé cette vidéo, les participants se sentaient beaucoup plus confiants pour faire atterrir l'avion, même en sachant qu'il faut des milliers d'heures d'apprentissage pour être pilote de ligne. Et la prochaine étape, c'est donc le permis de conduire grâce à GTA. Merci beaucoup, Natacha Triou. Et on se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et l'actualité scientifique cette semaine, c'est également le retour des visages, hormis certains endroits comme les transports, les hôpitaux, les EHPAD et quelques lieux résiduels. Les masques sont tombés, le pass vaccinal supprimé. Ce début de printemps a donc des airs de liberté retrouvés. Oui, mais voilà, les chiffres ne disent pas exactement la même chose. Incidence des cas de Covid en hausse de 25%, taux de reproduction repassé au-dessus de 1, plus de 70 000. Contamination quotidienne, ce qui correspond au niveau où nous étions juste avant les fêtes de Noël. Et le discours n'était pas tout à fait le même à cette époque. Mais pourtant, il semble qu'il y ait deux poids, deux mesures. Cela aurait-il à voir avec l'approche dans trois semaines d'une échéance électorale? Je vous laisse en juger avec notre montage d'actualité du jour, signé Olivier Bétard. Le choix de la mi-mars n'est pas un choix qui se fait au hasard. D'abord, il repose sur le principe selon lequel plus aucun hôpital n'est obligé de déprogrammer des soins. Donc ça sous-entend que l'activité a repris un rythme de routine. Ça, je l'ai estimé, c'est entre 1000 et 2000 patients Covid en réanimation. Il serait inutile et excessif que je vous donne un chiffre à l'unité près. Deuxième critère, il faut que le virus circule le moins possible. Or, vous voyez, il diminue aujourd'hui, il se divise quasiment par deux chaque semaine. Donc dans 4 semaines, s'il continue sur cette dynamique, on aura un taux d'incidence qui sera revenu un taux extrêmement faible, nous permettant de lever les dernières mesures sans prendre de risque de faire à nouveau flamber l'épidémie. Et le dernier paramètre, et qui donne tout son sens aussi, c'est que nous avons fonctionné par palier de 15 jours depuis plusieurs mois pour lever des mesures. Pourquoi 15 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact négatif de la levée des mesures de freinage. Et ça s'est toujours très bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas eu de flambée épidémique à mesure que nous étions capables de lever les contraintes. Donc la mi-mars correspond logiquement à la croisée de ces trois paramètres. C'est avec un sourire non dissimulé que les salariés de cette entreprise ont démarré leur journée sans leur masque pour la plupart. Pour certains, en revanche, la prudence reste de mise. D'autant que le taux de contamination augmente de nouveau. Bon appétit monsieur et bonne journée. Comme un léger rebond, dans cette pharmacie de la banlieue lilloise, le comptoir des tests antigéniques reprend du service. Depuis une semaine, ils sont passés de 10 tests par jour à plus d'une quarantaine. Après avoir atteint des records de contamination en janvier dernier, l'épidémie semblait marquer le pas. Mais depuis début mars, le nombre de cas positifs repart à la hausse. Dans ces conditions, la fin du masque en intérieur prévue lundi prochain semble prématurée pour certains épidémiologistes. Voilà, ce montage d'actualité. Alors, on va faire évidemment, comme un vendredi, tous les 15 jours, un examen du traitement médiatique de ces questions, et avec évidemment ce doute qui est assez inévitable. Comment se fait-il que l'on soit revenu à ce seuil de liberté où on peut à peu près toutes et tous le constater, dans les bars, dans les restaurants, dans les salles de sport aujourd'hui, plus personne ne demande ni masque ni passe, et pourtant les taux de contamination, les taux d'incidence ne disent pas tout à fait, ne transmettent pas tout à fait le même message. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, Cécile? Comment est-ce que vous le comprenez? Depuis 2 ans, cette épidémie, je crois, nous a appris l'humilité. Déjà. En tant que journaliste scientifique, indiscutablement. Indiscutablement. Et se méfier des prédictions. Et ce virus nous a fait quand même beaucoup, beaucoup de surprises. Ça nous a donné aussi quand même beaucoup de sources de fierté, quand même, parce que malgré tout ça, l'humanité s'est quand même vraiment mobilisée pour protéger les plus fragiles. On a inventé des vaccins, il y a des médicaments qui arrivent quand même, donc il se passe des choses. Alors, pour cette levée des restrictions, oui, face à la montée des infections, on n'est pas les seuls. La France n'est pas la seule à lever les restrictions. L'Angleterre l'a fait depuis un moment. La Corée du Sud lève toutes les restrictions alors qu'ils assistent à une flambée absolument incroyable. Alors, ce sont pourtant vraiment les bons élèves du Covid. Il y a eu très très peu de morts par rapport à la population en Corée. Ils sont très vaccinés, donc. Ils ont eu une très très grosse deuxième vague. Donc oui, mais pas beaucoup de morts. Enfin bon. Et alors, d'ailleurs, peut-être que c'est sur eux qu'il faut prendre modèle. Je ne sais pas. Autant qu'on puisse prendre modèle sur quelqu'un, parce que vu le virus a l'air d'avoir des comportements un peu différents d'un pays à l'autre, selon les saisons, tout ça. Peut-être qu'on peut aussi compter sur le frein du printemps. Je ne sais pas. J'ai l'impression surtout que oui, il faut faire attention. Enfin, ça nous renvoie à nos responsabilités individuelles. Je pense, voilà. Est-ce que, j'espère très fortement qu'on va garder l'habitude de mettre un masque dès qu'on est enrhumé, par exemple, alors que ça se faisait absolument pas, contrairement en Asie, notamment en Corée. Voilà. J'espère qu'on va garder l'habitude d'ouvrir les fenêtres. Peut-être qu'il faudrait faire pression pour que il y ait plus de mesures pour assurer la qualité de l'air en intérieur. Ça, c'est très notamment certainement. Dans les établissements scolaires. Et puis insister aussi pour que les personnes non vaccinées se vaccinent, parce que quand même il y en a encore un nombre important en France. Surtout parmi les personnes fragiles, âgées, avec des comorbidités. Beaucoup d'études montrent qu'en termes de vaccination, on serait arrivé à un pourcentage incompressible. C'est-à-dire qu'il semble être difficile d'aller au-delà de ce que nous avons fait. Mais en fait, la question que pose, à mon avis, et que je voulais vous soumettre aujourd'hui, cette mesure, c'est de dire que finalement, on est peut-être en train d'entrer dans une énième nouvelle phase de notre rapport à cette épidémie, qui est celle de la libre circulation. On est face à un nouveau variant, face à deux nouveaux variants, le Omicron classique, le Omicron BA2, qui ont tous peu ou prou prouvé que le taux de sévérité était légèrement inférieur, qu'il remplissait moins les hôpitaux. Or, évidemment, les mesures de restriction, de confinement et de restriction sont liées à la charge hospitalière. Donc, est-ce que, finalement, ce que font les différents gouvernements, y compris le nôtre, c'est de dire, eh bien, maintenant, vivons avec et laissons ce virus circuler dans l'état dans lequel il est, puisque on est arrivé globalement à un taux de couverture entre les infections et la vaccination qui fait qu'une grande partie de la population et protéger. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Moi, je suis assez d'accord avec ce diagnostic. Effectivement, la situation aujourd'hui n'est pas comparable à ce qu'elle était il y a un an, puisque depuis, il y a ce taux de vaccination a atteint des proportions qu'on peut juger importantes. Je crois que c'est de l'ordre de 80% de la population française qui est vaccinée. Donc, il y a une forme d'immunité collective qui s'est installée. Et à cet égard, on n'a pas collectivement la même protection par rapport à la maladie qu'on l'avait il y a un an. Donc la situation, elle est fondamentalement différente. Et effectivement, il y a un moment où il faut considérer qu'il faut vivre avec, sans doute. Il faut aussi prendre en compte l'état d'une société, la charge mentale d'une société, et il faut constater que tous, collectivement, on en avait ras le bol. À cet égard, ça paraît assez plutôt une bonne idée que d'ouvrir la soupape. Néanmoins, face à cette décision, on voit que la communauté des scientifiques, elle n'est pas unanime. Certains d'entre eux disent que c'était la chose à faire, qu'on était arrivé effectivement au vu du taux de vaccination, au vu de la dangerosité d'Omicron qui est moins grave que ce qu'ont pu être d'autres variants, et bien que c'était la bonne décision à prendre. Il y a d'autres scientifiques qui ont un propos beaucoup plus tempéré, ils sont peut-être moins audibles à l'heure actuelle, mais enfin, ils avancent l'idée qu'on est allé un petit peu trop vite. Mais effectivement, on peut pas considérer que c'est uniquement une mesure électoraliste, hein. On y pense tous. C'est-à-dire voilà. Que ça tombe opportunément. Mais le fait que ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, au même moment, laisse à penser que collectivement, il y avait quand même cette étape à franchir. Néanmoins, on voit qu'en Chine, il y a à nouveau des villes de millions d'habitants qui retombent en confinement. Hein. Mais on voit que la Chine qui avait opté pour la stratégie zéro Covid, et que cette stratégie zéro Covid, c'est-à-dire avec une population globalement naïve vis-à-vis du virus, c'est une situation beaucoup plus complexe et finalement peut-être plus difficile à gérer a posteriori. Oui, et dans laquelle le président chinois a pérennisé cette politique. Hein. Ils ont dit qu'on continue là-dedans, hein, dans cette politique du zéro Covid. Et effectivement, ça paraît... mais enfin, c'est très difficile de savoir la réalité de ce qui se passe en Chine. Ouais. La question, Mathieu, qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire que effectivement, quand on voit la levée des mesures précédentes et le bas des courbes, on tombait en dessous de 5000 cas positifs par jour. On est encore à des niveaux très hauts, 70 000, c'est l'équivalent de ce qui se passait avant les fêtes. Une fois de plus, avant les fêtes, le discours n'était pas du tout le même. Est-ce qu'on peut considérer effectivement que c'est acté le fait que la stratégie a littéralement changé et que aujourd'hui, on assume d'apprendre à vivre avec ce virus, plus ou moins saisonnier en fonction de ce que seront les évolutions dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, et de se retrouver avec quelque chose qui sera similaire à la grippe ou à la gastro-entérite d'une manière ou d'une autre, avec différents taux de sévérité. Je crois effectivement que c'est un pari. De toute façon, dans l'extrait que vous avez diffusé, Olivier Véran le dit bien, c'est si ça continue sur cette dynamique-là. Et puis, tous les 15 jours et tout. La décision, là, elle est au 14 mars. On verra fin mars. Si d'autres décisions sont prises. Mais effectivement, c'est un pari. C'est un pari sur la vaccination, c'est un pari sur le retour des beaux jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas. Maintenant, il y a quand même deux inconnus, pour moi, qui sont loin d'être tranchés. Une inconnue, c'est celle du Covid long, tout ce qui touche autour du Covid long. Et puis la deuxième question aussi, c'est toute cette population qui est quand même largement invisibilisée en temps normal, qui est celle des personnes immunodéprimées. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, en tant que société, à accepter de tomber le masque pour faire porter peut-être plus de risques sur cette population-là ? La question reste totalement ouverte. Cécile ? Oui, absolument. La quatrième dose est ouverte là, hein, pour certaines catégories de la population, les plus de 80 ans, certains immunodéprimés, parce qu'effectivement d'autres ne peuvent pas, n'ont pas accès au vaccin, hein, ça marche pas du tout chez eux. Ce qui revient au fait qu'il faut même faire attention. Peut-être aussi qu'il y a un élément qui rentre en compte par rapport à avant Noël, c'est qu'énormément de Français ont attraper le Covid ces derniers mois. Ce qui fait une couche quand même d'immunité collective supplémentaire. Même si ça n'empêche pas tout, qu'aucune couche n'est à 100% effective, ça protège en tout cas des formes graves, puisque c'est les formes graves qui est le rasoir d'Occam, là. Mais effectivement, ça met de côté les Covid longs. J'ai peur qu'on doive faire avec pendant encore un petit moment. Oui, alors avec deux choses, hein, puisque comme on l'entendait dans le discours d'Olivier Véran qui disait si on tombe dans 15 jours à moins de 1000, 1200 personnes en réanimation, on est à 1700. Un taux d'incidence de moins de 500, on est à 743, avec une dynamique qui repart à la hausse. Il ne vous aura pas échappé que dans 3 semaines, nous avons un rendez-vous électoral majeur, que cette situation s'est déjà présentée. Qu'est-ce qui se passe, Olivier, si dans 3 semaines, on remonte à 100 000, 150 000 cas par jour? On peut parier qu'il n'y aura pas... Il n'y aura pas de report des élections, ça je pense qu'on peut le parier. Il y aura reconfinement. Non mais, la réalité aujourd'hui d'une sixième vague avant l'été, c'est une réalité, c'est un fantasme, parce qu'effectivement on est face à des données épidémiologiques très différentes. Omicron, BA2, se transmet pas de la même façon, c'est plus transmissible. On a certainement toutes et tous eu autour de nous des gens vaccinés, triple vaccinés, qui l'ont attrapé, qui ont eu une petite fièvre, une petite grippe, en tout cas des symptômes très légers pendant quelques jours. certaines personnes, certainement aussi des choses plus graves pour des personnes plus à risque. Mais enfin, on voit bien qu'on apprend à vivre quand même avec ce virus. Est-ce qu'il va falloir, enfin, jusqu'où, comment intégrer finalement la cohabitation avec ce virus au long cours, quoi? C'est-à-dire qu'il faut, il ne faut pas parce que on enlève le masque et parce qu'on reprend une façon de vivre comparable à ce qu'on avait connu dans le passé, abolir toutes les autres mesures de protection qu'il y a autour de cette épidémie. Et il y a notamment, très particulièrement, la nécessité des tests. Il faut que, et ça aussi c'est politique, hein, il faut pouvoir maintenir le réseau de vaccination, de tests PCR partout en France pour que d'abord les gens puissent savoir s'ils sont malades ou pas. Les autotests ont une efficacité qui est très très relative, donc il faut pouvoir continuer à faire des PCR pour que les personnes qui sont malades puissent, et là aussi on revient à cette question de la responsabilité individuelle qu'évoquait Cécile, il faut que les personnes qui sont malades puissent continuer à s'astreindre à une quarantaine personnelle. Il faut pas aller au travail avec le nez qui coule quand on a le Covid, c'est des choses un peu bêtes mais il faut les rappeler. Et les PCR permettront aussi de détecter les variants, les potentiels variants, parce que là on en est on a évoqué beaucoup de variants depuis le début de cette crise, mais d'autres variants peuvent survenir avec des niveaux de dangerosité différents. Et donc si un variant plus néfaste survient, il faut pouvoir, il faut pas qu'il circule à bas bruit. Et sans ce réseau des tests qui continuerait à être efficacement installé en France, ce problème pourrait survenir et donc on serait davantage à la merci de cette potentielle sixième vague. Cécile? Non, les dernières projections de l'Institut Pasteur que j'ai regardées montrent qu'effectivement il y a un risque de nouvelle vague, mais pas aussi forte que c'est-à-dire juste des vagues la dernière là, de plus en plus basse comme. Alors, ce sont des projections comme d'habitude, hein, voilà. Mais donc il faut voir si elles s'avèrent plus ou moins justes. Et puis juste rappeler peut-être à tout le monde que le masque n'est plus obligatoire dans beaucoup d'endroits, mais pour autant il n'est pas interdit. Donc on peut porter le masque dès qu'on sent qu'on en a besoin ou parce qu'on veut protéger d'autres personnes. Et ça, je pense qu'il faut quand même continuer à le faire. C'est-à-dire que finalement, on s'en remet, quoi, Mathieu, à la sagacité individuelle, à la responsabilité individuelle. C'est finalement, on a tous appris en 2 ans, puisque là, le 18 mars aujourd'hui, il y a 2 ans, on rentrait exactement dans le premier confinement. On a tous appris à changer complètement, finalement, nos habitudes et... Donc à cohabiter. Maintenant, c'est finalement la politique publique, la politique de santé publique repose sur les citoyens et sur les individus. Je ne sais pas si elle repose entièrement sur les citoyens. Je n'espère pas. Après, pour rebondir sur ce que disait Cécile, il y a aussi quand même la question de la pression sociale, c'est-à-dire que porter un masque à titre personnel dans une assemblée où personne n'en porte, on ne passe pas inaperçu. C'est culturel. Cécile, tu évoquais le cas d'autres pays où effectivement c'est totalement rentré dans la culture. Dans le pays d'Asie du Sud, qui a l'habitude d'avoir des épidémies. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là sur les pays européens, par exemple. Non, mais pour l'instant, les assemblées dans lesquelles, en tout cas, c'est un témoignage personnel, donc il n'a de valeur que de témoignage, au cinéma, au théâtre, dans des endroits comme ça, il y a encore beaucoup de gens qui portent le masque. Donc voilà. Et puis peut-être que c'est le nouveau combat, peut-être que le gouvernement doit faire des campagnes là-dessus, ça doit avoir chic de porter le masque, en tout cas dans certaines conditions. Et puis de pas oublier la qualité de l'air, hein, parce que le masque est très important, mais la qualité de l'air aussi, aéré, et ne surtout pas oublier ça, y compris dans les écoles, dans les entreprises. Et pas que pour le Covid. Non, en plus. Donc, parce qu'on est en pleine, on est en pleine épidémie de grippe. On est en plein pic épidémique de la grippe. Bref, écoutez, voilà, la responsabilité, vous l'avez, vous la connaissez. On continue malgré tout et malgré la lassitude à respecter les gestes barrières, à aérer les espaces, à garder le masque dès que vous avez l'impression d'être dans un endroit un peu trop confiné, avec l'air pas assez renouvelé. Voilà, condition sine qua non pour essayer d'entrer dans ce printemps ensoleillé avec un peu plus de baume au cœur. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Something's my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Happy Together, The Turtles, sur France Culture, dans la méthode scientifique à 16h30, puisque nous parlerons des tortues dans quelques minutes et de leur étrange succès évolutif. Mais on va commencer pour notre premier dossier de la semaine par un dossier en plein dans l'actualité, puisque l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est notamment, et nous en parlions d'ailleurs ici même à ce micro il y a quelques jours, la fin d'un certain nombre de collaborations scientifiques, et notamment dans le spatial. Et après quelques semaines d'incertitude, Mathieu, la décision est tombée, c'est la fin, au moins provisoire, mais bon, ça sent quand même pas très bon, de la mission ExoMars. C'est ça, un ExoMars et ça ne repart pas. Non, je vous remercie pour ce petit calembour. Je vous en prie. Non mais voilà, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on savait depuis l'annonce des sanctions contre la Russie que ça avait été annoncé par l'ESA que le lancement était hautement improbable en septembre prochain. Maintenant c'est officiel, c'est impossible. Le mot a été lâché hier. Le coup près est tombé. Et le conseil de l'ESA qui a décidé ça, le conseil de l'ESA, c'est les États membres fondateurs de l'ESA. Donc évidemment, ils ont suivi la logique des sanctions appliquées à la Russie. Rappelez-nous en deux mots, ExoMars, qu'est-ce que c'était que cette mission et pourquoi est-ce qu'on était à ce point-là russo-dépendant? C'est ça, c'est-à-dire en fait c'est un nouveau coup dur pour une mission qui a quand même connu énormément de déboires depuis pas mal d'années. Le but de la mission en fait c'est de trouver des traces de vie sur Mars. C'est une mission qui est en fait en plusieurs parties. En 2016, il y a eu le lancement et la mise en orbite du satellite 13 Gas Orbiter qui en lui s'est très bien passé. Un peu moins bien pour l'atterrisseur Schiaparelli, on s'en souvient, qui malheureusement s'est écrasé et n'a pu donner signe de vie, je dirais. Et le deuxième volet, c'était de pouvoir mettre le premier rover européen à la surface de Mars, capable de pouvoir creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur et d'aller chercher des traces de vie. Pourquoi aussi en profondeur? Bah pour s'affranchir en fait de tous les phénomènes d'oxydation, d'altération par l'atmosphère et les rayons cosmiques. Et donc augmenter les chances de trouver des traces de vie. Cette mission, au départ, elle était prévue il y a très longtemps avec la NASA. Mais la NASA, financièrement, en 2012, en fait, a décidé de se retirer. Et l'ESA donc a dû trouver un autre partenaire, en l'occurrence l'agence spatiale russe Roscosmos. Le lancement était prévu en 2018, puis en 2020, puis en 2022, puis on ne sait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette annulation aujourd'hui, cette suspension, je dirais, de la collaboration avec la Russie, en fait, laisse énormément d'incertitudes sur la table. Alors, quelle était la part de la Russie finalement dans cette mission? Parce qu'effectivement, la NASA avait un programme concurrent qui est Mars 2020, qui est un programme de retour d'échantillons assez ambitieux. Avec le rover Perseverance. Avec le rover Perseverance notamment. Mais voilà, il y avait la mission européenne qui, elle, vraiment voulait sur place et qui était la grande mission qui devait normalement, nous donner des indices sur la présence ou non de vie sur Mars à un moment donné. tout en restant sur place. Quelle était la part de la Russie exactement dans l'ExoMars? La part de la Russie, tout d'abord la fusée. C'est sur une fusée russe Proton que devait être lancée justement cette mission. Deuxièmement, l'atterrisseur. C'est quoi un atterrisseur, rappelez-moi. L'atterrisseur, c'est vraiment la partie qui va descendre en fait le rover et la plateforme qui va s'installer à la surface de Mars afin que le rover puisse ensuite descendre de cette plateforme et aller vadrouiller à la surface. Cet atterrisseur était aussi sous la responsabilité de Roscosmos. Un atterrisseur dénommé Kazatchuk. Kazatchuk, exactement. Et après, il y a aussi de manière un peu plus détaillée certains instruments scientifiques sur le rover lui-même. Qui était aussi sous la responsabilité de l'agence russe. Donc les questions aujourd'hui, elles sont de remplacer tous ces éléments-là. C'est-à-dire qui va être capable de lancer, qui va être capable d'atterrir, et qui va être capable de remplacer les instruments scientifiques qui étaient prévus sur russes, qui étaient prévus sur le rover. À l'origine, donc ExoMars devait être lancé 2018. Non mais là cette année. Cette année. Au mois d'octobre. Oui c'est ça, septembre-octobre. La fenêtre de lancement c'est septembre-octobre. Le problème c'est qu'effectivement, ça a déjà été évoqué à ce micro, les fenêtres de lancement pour Mars, en gros c'est tous les deux ans. C'est ça. C'est important de le préciser. Voilà, donc c'est pour ça qu'en 2020, la mission avait été annulée quelques mois avant le lancement prévu à l'été pour des problèmes de parachute. Et on n'a pas voulu rejouer le scénario Schiaparelli. Donc c'est pour ça que ça a été repoussé à 2022. Et il faut dire qu'on était vraiment, enfin que c'était en cours, enfin puisque le rover en ce moment il est à Turin et il devait partir début avril par convoi aérien à Baïkonour au Kazakhstan. Donc vraiment on était dans la dernière ligne droite. Il y avait du personnel qui devait partir d'ailleurs de l'ESA à Baïkonour pour installer le rover dans la fusée. Enfin bref, on était vraiment dans les derniers préparatifs. Tout à fait. On était vraiment dans la dernière ligne droite. Jusque-là, tous les voyants en fait étaient au vert. Effectivement, l'agence spatiale Roscosmos a beaucoup communiqué depuis la fin de l'année dernière sur l'ampleur des tests, notamment la capacité du rover à pouvoir descendre de la plateforme en toute sécurité. Voilà. Et effectivement, là, ça s'arrête brutalement. Hein. Alors, la question de bon sens, c'est de se dire, finalement, puisqu'on le fait pas avec les Russes, on a qu'à le faire avec d'autres partenaires. Mais, malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Avec d'autres partenaires ou tout seul? La question a été posée, est-ce que l'ESA est capable d'y aller toute seule? La réponse n'a pas été donnée. Non, parce que quand on dit ça, en fait, la question qui s'est posée. Alors, non, avant d'examiner l'option Ariane 6, puisque c'est l'option qui a été levée, Ariane 6, pour le moment, c'est encore un projet. Elle n'a pas encore fait son premier test, elle n'a pas encore fait son premier lancement. Donc, c'est le prochain lanceur d'Ariane. Mais avant cette option Ariane 6, il y avait l'idée de se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne confie pas ça aux Américains et qu'on fait ça avec les Américains? Mais c'est compliqué. Il y a des discussions en cours visiblement avec la NASA. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que la NASA elle-même s'est retirée du projet. Aujourd'hui, elle a son programme de retour d'échantillons avec Perseverance. Va-t-elle pouvoir s'impliquer et à quel niveau va-t-elle vouloir s'impliquer? Parce que il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, technologique, d'être capable effectivement de lancer, d'avoir un atterrisseur, mais il y a aussi l'aspect financier. C'est-à-dire que reporter un programme comme ça sur, alors a priori, soyons réalistes, la prochaine fenêtre 2024, on l'oublie. Au mieux 2026, mais ça c'est optimiste, voire peut-être plutôt 2028. Donc reprogrammer comme ça, repousser en plus c'est 2027 parce que c'est décalé un peu, donc c'est 2027 ou 2029. Alors, les 26 mois, oui. Oui, c'est ça, oui. Donc ça décale à 2027 ou 2029. Il y a le lancement et l'arrivée après. Je crois même que la fenêtre de 2028, elle est en décembre. Oui, voilà. Bon, bref, peu importe. Il y a toujours un mois, donc 2024, c'est foutu parce qu'il y a trop de contraintes techniques, qu'il faut trouver un nouveau système de descente, un atterrisseur qui soit adapté aux spécificités de Rosalind Franklin. C'est pas les mêmes choses, tout ça, il n'y a pas de normes, hein, c'est pas comme la taille des boulons, malheureusement, chacun a ses propres systèmes. Donc, ça voudrait dire 2027, peut-être, éventuellement 2029, mais le problème, c'est que 2029, c'est dans longtemps, et que ces équipements-là, ils peuvent devenir obsolètes, ou en tout cas, prendre un coup de vieux, quoi. C'est certain que de toute façon, il y a des composants qui vont devenir obsolètes. D'après l'avis de David Parker, qui est le chef en fait des missions d'exploration spatiale et humaine à l'ESA, une première étude a été faite très rapidement par l'ESA. Il semblerait quand même que la majorité des composants puissent être encore valables sur la décennie qui vient. Mais 2029, voilà, on est quand même à la fin de la décennie. Mais ce qui est évident, c'est que de toute façon, il va y avoir des choses à changer, ne serait-ce que des valves, des batteries. Parce que quelque chose, un des composants qui était notamment fourni par les Russes sur le rover, c'est le système permettant de garder le rover au chaud la nuit. Et on sait que les nuits martiennes sont très froides. Voilà, donc en fait, remplacer tous ces éléments, trouver un moyen de les intégrer sur les composants existants, remplacer les composants vieillots par des choses plus à jour, ça a des coûts, c'est compliqué. Ça a des coûts, voilà. Et on peut être raisonnablement pessimiste pour la mission ExoMars. Je ne dirais pas ça, pas aujourd'hui. Bon. Pas raisonnablement pessimiste. J'attends de voir cet été. Le directeur de l'ESA a visiblement annoncé la date de l'été pour avoir quand même un premier rapport sur les options techniques disponibles. Donc voilà, je suspends mon jugement, attends de voir cet été. Mathieu citait le problème des parachutes. C'est la raison pour laquelle le programme avait été ajourné une première fois. Il devait partir en 2020. Il n'est pas parti en 2020 parce que les parachutes d'ExoMars ne s'ouvraient pas convenablement. C'est la NASA hein, qui a aidé à développer, à améliorer ce dispositif. Donc la NASA a déjà une certaine familiarité avec ce projet. Peut-être que s'ils sont sentimentaux, nos amis américains, ils vont la prolonger avec une collaboration plus étroite. Alors si on en est à compter sur les sentiments pour poursuivre les programmes spatiaux, mes amis. Il y a des sentiments. Où allons-nous ? France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, on passe à la santé avec une nouvelle approche, ou tout du moins une nouvelle façon de comprendre et de considérer les mécaniques tumorales, celle de l'égoïsme, ou si on veut faire un peu moins anthropomorphique, celle de la fin de la collaboration cellulaire, ou comment les cellules cancéreuses sont en fait des tricheuses, Cécile, et tordent les règles métaboliques pour prospérer. Oui, absolument. Nous avons demandé à une chercheuse américaine, Athena Aktipis, là, de faire le point sur une des clés de l'évolution du cancer, j'ai oublié de préciser qu'elle est chercheuse à l'université d'Arizona dans le centre évolution et cancer, justement. En fait, la perspective évolutionniste dans l'étude du cancer, je crois que les premiers papiers remontent aux années 70, mais ça n'a vraiment développé que depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ça donne beaucoup de choses intéressantes. L'idée, en fait, est de regarder les cellules cancéreuses, non pas uniquement juste leurs mutations, mais de les regarder dans leur environnement, dans leur interaction avec les autres cellules, et de regarder les pressions de sélection qui s'exercent sur elles pour mieux comprendre comment émergent les cancers et aussi éventuellement comment lutter contre, évidemment. Voilà. Et alors le cancer, ce phénomène de prolifération anarchique des cellules, est très très très ancien. En fait, il y a fort fort longtemps, Nicolas, sur la Terre, il n'y avait que des êtres unicellulaires. Et ces êtres unicellulaires avaient un mode de vie qui est particulier, qui était en gros vivre vite et mourir jeune. Alors c'est une image évidemment que j'emploie, hein, je rappelle pour ceux qui nous les entendent. Les Young. Voilà, en fait les cellules n'ont pas d'intention, les cellules n'ont aucun sens moral, l'évolution n'a aucun sens prédéfini, mais c'est une image pour faire comprendre, c'est que l'idée était de proliférer le plus possible dans les milieux les plus divers possibles. Voilà. Et puis il y a un demi-milliard d'années, au moins, peut-être beaucoup plus, mais au moins un demi-milliard d'années, certains de ces êtres unicellulaires se sont regroupés pour coopérer et fabriquer des organismes multicellulaires. Alors ça a des avantages, cette coopération, notamment la taille. Et la taille permet souvent de se prémunir des prédateurs. Voilà, la division des tâches permet une meilleure, en général, partage des ressources. On peut se disperser plus facilement. Voilà. Mais le prix à payer, évidemment, par rapport aux êtres unicellulaires, c'est qu'il faut arrêter de proliférer comme on veut tout le temps. Voilà, il y a une coopération. Faut coopérer. Et voilà, et une régulation qui se met en place chez les organismes multicellulaires. Sauf que certaines cellules, les cellules cancéreuses, on le voit, s'affranchissent de ces lois de coopération. Voilà, elles se mettent à proliférer, elles monopolisent toutes les ressources, elles envahissent les tissus adjacents, elles ne font plus leur boulot, elles prennent tout pour elles. Voilà, bon bref, l'intérêt individuel dépasse l'intérêt collectif. Mmh. Voilà, elles perdent le sens commun, si vous voulez. Donc, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant en termes de biologie, ce qui explique votre article pour la science, c'est qu'on pourrait imaginer justement que bien finalement, plus on ajoute de cellules les unes avec les autres, plus on a des organismes grands et massifs, et plus bah, statistiquement, les chances qu'il y ait une cellule qui revienne en arrière et qui recommence à n'en faire qu'à sa tête sont grandes. Or, cette règle-là ne fonctionne pas du tout. Ne fonctionne pas du tout. Ne fonctionne pas tout le temps. Ne fonctionne pas tout le temps. Voilà. Effectivement, c'est le paradoxe de Pareto, comme on l'appelle, voilà, qui dit que voilà, plus un animal est grand et plus il vit longtemps, théoriquement, plus il y a de risques qu'il développe un cancer. Et au sein d'une espèce, c'est pas si faux. Dans l'espèce humaine, par exemple, on sait bien que l'âge est un facteur de risque, voilà. Et il semblerait que les grands personne aussi, et plus de risques de développer des cancers que d'autres. Bah ça, voilà. J'ai encore passé un très mauvais week-end à côté. Comme d'habitude, Nicolas. mais ce n'est pas vrai si l'on regarde l'ensemble du monde animal, voilà, et notamment par exemple des très gros animaux comme les éléphants, comme les gros cétacés, font au contraire beaucoup moins de cancers qu'ils ne devraient en faire, en tout cas par rapport à leur taille. Ou mon petit chéri, le rat aux pneus, qui est tout petit certes, mais qui vit très longtemps, fait très peu de cancers alors qu'il devrait le faire. Et à qui nous avions consacré une émission entière, par ailleurs, dont tantologie. On met le lien. voilà. Au moins. Et donc. Donc voilà. Donc alors une des raisons pour lesquelles qu'on a élucidé pour expliquer ce paradoxe, enfin le fait que les éléphants, voilà, disons que les organismes multicellulaires depuis probablement toujours ont mis en place des parades évidemment pour lutter contre cet égoïsme primitif. Voilà. Donc le système immunitaire normalement. Digère les cellules tricheuses, voilà. Et puis il y a des gènes aussi, toute une série de gènes qui font un peu la police de la coopération et qui obligent les cellules soit à réparer leur ADN, soit à mourir. Et donc voilà. Donc parmi ces gènes, il y en a un qui s'appelle le TP53 chez l'homme, voilà, et qui joue un rôle très important quand il est muté notamment. Donc chez l'homme, il y a deux copies de ce gène, une qui est héritée de la mère, l'autre des pères, voilà. Et d'ailleurs, si vous n'en avez qu'un, un fonctionne. Vos risques de cancer augmentent très très très très fortement. Hein, vous avez 50% d'avoir un cancer avant 30 ans. Et 90 avant 60 ans. Exactement. Voilà. Alors que les éléphants, eux, ils ont 40 copies de EP53. EP53, c'est la version pachydermique de TP53. Voilà. Et donc, ce genre de choses explique, voilà, pourquoi les gros animaux, en même temps qu'ils ont développé leur taille pour échapper aux prédateurs, ont visiblement aussi mieux développé leur système anti-cellules tricheuses. Est-ce que ça veut dire que cette connaissance de ce gène et de ces gènes suppresseurs de tumeurs peuvent avoir des applications thérapeutiques? Est-ce qu'on peut les renforcer? Est-ce qu'on peut booster leur activité dans certains cas? Oui, alors il y a des essais là-dessus, évidemment, qui ressemblent plus à de la thérapie génique, mais c'est surtout cette vision évolutionniste du cancer qui donne d'autres pistes pour soigner. Par exemple, ce qu'on appelle la thérapie adaptative aujourd'hui. Les chimiothérapies classiques sont souvent des chimiothérapies très lourdes, voilà. C'est un peu le karcher, hein. Voilà. Et c'est la dose très très forte juste avant de tuer l'organisme lui-même. Voilà. Et on s'est aperçu que cela favorisait la résistance de certaines cellules. Un petit peu comme prendre trop d'antibiotiques favorise les souches résistantes. Ou un petit peu comme mettre beaucoup trop de pesticides favorise l'émergence d'espèces résistantes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais qui essayent d'avoir une autre approche, qui est de pas du tout essayer d'éradiquer les tumeurs cancéreuses, de les laisser vivre et de les empêcher de grossir en fait. Donc voilà. Et parce que l'idée est que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc, si on laisse une partie des cellules cancéreuses vivre, elles sont pas toutes les mêmes, donc elles sont en compétition les unes avec les autres, et donc on les maintient de façon Voilà, beaucoup plus efficace comme ça qu'en essayant de toutes les tuer. Et si vous voulez tout savoir sur les mécanismes de ces cellules égoïstes et de cette compétition pour capter les ressources de la part des cellules tumorales, eh bien, il faut vous procurer le magazine Pour la science de ce mois de mars, puisque c'est votre dossier central. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour finir, une question qui va vous faire le week-end, partant du principe que pour une tortue, se retourner sur sa carapace est quasiment synonyme de mort. Comment la nature a pu continuer de sélectionner cette configuration si vulnérable depuis des centaines de millions d'années ? Olivier, pourquoi les tortues existent-elles encore ? Et pourquoi sont-elles carapacées? C'est une question qui fait phosphorer les spécialistes de l'évolution et de l'agent animal depuis fort longtemps. Et c'est le sujet du papier de François Malordi qui est à lire dans le numéro de Science et Avenir qui est en kiosque en ce moment. C'est assez surprenant parce qu'on découvre dans ce papier que le plus vieil ancêtre de la tortue, la plus vieille proto-tortue, c'est un fossile qui a été découvert tout récemment, très récemment, puisque ça date de 2018. C'est un animal qui a été baptisé Eorhynchocoelis, qui veut dire en grec tortue à bec de l'aube, c'est très joli. Et ce fossile a été mis au jour en Chine du Sud, dans la province du Guizhou. Alors, il a 228 millions d'années, et c'est très étonnant qu'on l'ait trouvé il y a si peu de temps, hein, et c'est pour une raison finalement assez simple, c'est que pendant longtemps on pensait que l'ancêtre de la tortue c'était un animal qui ressemblait à une tortue, c'est-à-dire un animal avec une carapace. Or, cette tortue à bec de lobe découverte en 2018, ce fossile découvert en 2018 n'a pas de carapace. Mais alors du coup, la question qui se pose, Olivier, c'est quels sont les ancêtres de la tortue ? Comment est apparue cette carapace ? Pourquoi et pour quelles raisons évolutives a-t-elle été préservée ? Alors pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle, il y avait une hypothèse qui prédominait. Et on pensait que la tortue, la carapace de la tortue, ça venait d'une fusion entre ses côtes et ce qu'on appelle les ostéodermes. Les ostéodermes, ce sont des plaques osseuses superficielles qui se développent dans la peau. Alors on connaît ça par exemple chez les tatous. Et on pensait donc qu'il y avait cette fusion entre ces deux éléments. Et donc il fallait forcément que ces deux éléments soient présents dans les fossiles qu'on traquait et sur lesquels on voulait mettre l'étiquette ancêtre de la tortue. On se rend compte tout récemment qu'il n'en est rien, que la carapace, peut-être qu'elle ne vient pas de là, et cette connaissance, elle vient un petit peu de l'embryologie, c'est-à-dire l'étude des embryons des tortues, dans lesquels on se rend compte que c'est une sorte de... C'est par l'apparition d'une sorte de membrane autour des côtes et des vertèbres de ces animaux. Une membrane qui va en s'épaississant, en s'ossifiant, je ne sais pas si le mot existe, en venant des os, qui est à l'origine de la création de la carapace. Oui, parce qu'on a cette image de la tortue qui habite sa carapace, mais pas du tout. La carapace, c'est constitutive de la tortue, c'est le squelette de la tortue, elle est liée totalement à cette carapace. Oui, et cette carapace, elle a eu cette rigidification du corps de l'animal. Ça a un sens dans l'évolution. C'est ce qu'on comprend à partir du moment où on s'est mis à chercher d'autres animaux comme étant des ancêtres de la tortue, des animaux qui, à l'origine, n'avaient pas de carapace, mais avaient un corps avec une sorte de renflement. Dans l'article de François Malordi, il est question justement de cet animal dont on dit maintenant que c'est l'ancêtre, c'est Eunotosaurus. Alors il y a une illustration d'artiste et comme il est décrit dans l'article, c'est une description assez juste, on a l'impression que c'est un lézard qui a avalé un ballon de baudruche. Hein, voilà. Ça ressemble exactement à ça. Et ce corps façon montgolfière, ça a servi à cet animal parce que c'est une petite bête qui avait des pattes avant très costaudes. Ça lui permettait de gratter le sol et il avait des techniques d'enfouissement. Et d'avoir le corps rigide comme ça, ça permet de camper hein, sur ses ergots solidement pour pouvoir creuser avec ses pattes arrière. Et ça permet aussi de résister en cas d'ensevelissement. Hein, c'est-à-dire, comme elle vit sous terre, si à un moment donné, il y a la terre qui lui tombe dessus, comme elle a la cage thoracique bien solide, eh ben, elle n'est pas étouffée. Et c'est grâce justement à cette complexion que l'on suppose que les tortues ont survécu à quelques extinctions de masse. Et là, on ne parle pas de la fameuse extinction des dinosaures de 65 millions d'années. On remonte bien avant. On parle de l'extinction d'il y a 252 millions d'années, celle du Permien-Trias. C'est ça, c'est une période à laquelle les tortues, leurs ancêtres ont survécu justement grâce à ces techniques d'enfouissement. On suppose que elles ont pu se planquer sous terre. Hein, notamment à des moments où la température extérieure était très très élevée. Ouais, on estime que ça pouvait aller à 50, 60 degrés. Ce qui nous attend dans 10 ans. Ouais, mais on aura peut-être des carapaces, Nicolas, il ne faut pas désespérer. Moi, je vais commencer à m'enfouir sous terre et puis on va voir si ça marche. Alors, elles ont pu passer le cap, elles ont pu passer le cap et donc essaimer en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui, puisque on estime qu'il y a de l'ordre de 350 espèces de tortues différentes à l'heure actuelle. Et alors, du coup, à quel moment est-ce qu'on voit le plastron complet, c'est-à-dire vraiment cette la carapace formée, et comment est-ce qu'elle évolue de ces côtes un peu enflées en ballon de baudruche à une carapace solide, quoi? Alors, il y a un ancêtre qui a été assez clairement identifié, qui s'appelle le Proganochelys, et qui a vraiment l'allure qu'on connaît aujourd'hui des tortues. Cet animal, il a 220 millions d'années. Donc c'est à peu près le moment. En tout cas, c'est la preuve fossile la plus sur laquelle on a mis la main. Et peut-être que d'autres spécimens apparaîtront, mais pour l'instant c'est celui-là. Alors le gisement chinois semble particulièrement intéressant, puisque je disais que c'est en 2018 qu'on y a trouvé celui qu'on considère aujourd'hui être le plus ancien ancêtre de la tortue. C'est au même on l'a trouvé 8 mètres en dessous de l'endroit où on avait trouvé le précédent spécimen, distant de plusieurs millions d'années de lui, dont on considérait qu'il était l'ancêtre de la tortue. Donc il y a une sorte de gisement intéressant là en Chine. Et du coup, si on reprend notre arbre phylogénétique, ça veut dire que les tortues sont proches de quel autre animal qui ne sont pas précisément les tatous ou des animaux à carapace comme on le pensait jusqu'à présent? Alors, on continue à les rapprocher des reptiles. Il y a un indice qu'on découvre à la lecture de ce papier de François Malordi dans Science et Avenir. C'est à propos du crâne de la tortue. On dit qu'elle a un crâne anapside, c'est-à-dire que quand on regarde le squelette du crâne, on est familiarisé avec la fiche de Jurassic Park, hein, avec le profil du dinosaure où on voit le trou des yeux, les orbites, et puis juste derrière il y a des cavités. Les tortues, elles n'en ont pas, elles ont un crâne anapside. Et on pensait que tous les ancêtres de la tortue devaient donc également avoir des crânes anapsides. Et là aussi, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ce qui fait en fait que les tortues sont plus proches des archosauriens, c'est-à-dire des oiseaux et des sauriens. Oui, c'est vraiment une enquête, hein, c'est une enquête scientifico-policière assez intrigante qu'on découvre à la lecture de ce papier. Et profitons-en pour saluer François Malordi, qui est un ancien membre de l'équipe de la méthode scientifique et un fier camarade. Et donc, félicitations pour ce très beau papier chez Science et Avenir. À la une de Science et Avenir, Olivier, justement. Alors, le numéro actuel, il est encore pour quelques jours en kiosque, c'est sur le nucléaire. Et le prochain numéro sort jeudi, ça sera sur la physique quantique. Cécile. L'horloge astronomique d'Anticythère, 2000 ans plus tard, le mécanisme antique est-il enfin décrypté? Et dans Science et Vie Junior, Mathieu? Pour les 20 ans du manga Naruto, qui sont les vrais ninjas? Eh ben, ça c'est une vraie question, les vrais ninjas ce sont vous, les ninjas de la vulgarisation scientifique autour de cette table. Merci à tous les trois, à la méthode scientifique. C'est d'autres formes de ninjas, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Nomina Guette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique, et comme toujours, c'est à retrouver en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.